Morality is the foundation for us to concentrate our minds. And concentration is the foundation for knowledge. So without basic morality of not harming others, we can't achieve what we want to with this practice. J'ai expliqué déjà que la moralité était le fondement pour la concentration, qui, à son tour, était le fondement pour la connaissance. Sans une moralité de base qui consiste à ne pas causer de tort aux autres, on ne peut pas obtenir ce qu'on cherche à obtenir ici. Les cinq préceptes, c'est ce qu'observent les laïcs dans leur vie quotidienne. Ce sont les préceptes moraux essentiels pour les laïcs. Mais ici, dans le cadre d'une retraite de méditation, dans un centre de méditation, observer 8 préceptes ou 9 préceptes, c'est plus approprié. Dans d'autres centres de méditation, on autorise parfois à observer moins de préceptes. Par exemple, dans les centres de Goenka, on est autorisé parfois à manger après-midi. Mais dans cette tradition-ci, on observe strictement 8 ou 9 préceptes. Lorsque on effectue des mouvements corporels, il faut les faire lentement. Par exemple, lorsqu'on tend ou qu'on replie un membre, ou alors lorsqu'on lève ou qu'on baisse la tête, lorsque, à la fin de la période de la méditation assise, lorsqu'on se lève et qu'on va commencer à pratiquer la marche, il faut le faire lentement. Chaque mouvement donc doit être effectué lentement et graduellement, en notant chaque fois se lever, se lever. Lorsqu'on se redresse ou lorsque on se lève, il faut noter se lever, debout, debout. Aussi, lorsque l'on regarde quelque part, par exemple, avant d'aller marcher, il est possible qu'on recherche un endroit, une piste de marche où on peut pratiquer. À ce moment-là, on est bien obligé de regarder. Il faut en avoir conscience, il faut noter regarder, regarder, et puis voir, voir. Lorsque l'on marche, on doit noter chaque pas. On doit savoir si c'est le pas droit ou si c'est le pas gauche. On fait une note mentale. On devrait être conscient de chaque mouvement, impliqué dans le fait de marcher, depuis le moment où on lève le pied jusqu'au moment où on l'abaisse, où il touche le sol. On devrait être conscient de chaque pas, sans exception. Ça, c'est donc la façon de pratiquer la méditation en marche lorsqu'on marche rapidement. Donc ça suffit lorsque vous marchez rapidement, mais lorsque vous marchez lentement ou lorsque vous pratiquez formellement la méditation en marche, il faudrait être conscient de trois phases du pas. La phase de lever du pied, la phase où on avance le pied et la phase où on le place au sol. On devrait être conscient de 3 étapes, de 3 phases, mais on ne commence pas tout de suite à noter 3 phases, on commence par noter 2 phases, 2 mouvements, lever, baisser, lever, baisser. On devrait être conscient, lorsqu'on baisse le pied, par exemple, de la qualité de lourdeur qui est ressentie, éventuellement. Donc, je recommande de faire simplement une note par pas, jusqu'à ce que vous soyez capable de rester avec les pieds sans qu'il y ait trop de vagabondage. Si, par exemple, vous notez pas droit et puis vous réalisez qu'en fait c'était le pied gauche qui avançait, ça démontre en fait que vous n'êtes pas encore assez concentré, que vous n'êtes pas encore prêt à faire 2 notes par pas. Il faut d'abord en fait construire une base solide, un fondement solide pour la concentration. À partir du moment où vous êtes suffisamment attentif, où vous parvenez à suivre pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit, assez bien, là vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de noter 2 mouvements par pas. En général, peut-être il faut attendre 2 jours avant de pouvoir passer à 2 notes par pas, mais pour certaines personnes, certains yogis le font seulement après une semaine. Ça dépend un peu d'une personne à l'autre. Ça dépend un peu des besoins de chacun. Lorsque vous pouvez pratiquer en notant deux phases par pas facilement, c'est-à-dire donc quand on parle de deux phases par pas, il s'agit de lever et placer. Mais après 2 jours, peut-être donc cette pratique-là aussi va devenir plus facile. Vous la maîtriserez assez facilement. Et à ce moment-là, vous pouvez passer à 3 notes par pas, 3 phases du pas. Vous intercalez simplement entre lever et baisser le pied, la phase où vous avancez le pied vers l'avant. En fait, chaque phase du pas, chaque partie du pas, possède ses propres qualités. Chaque partie du pas a des qualités différentes. Et ces phases sont distinctes. Lorsque le pied cesse de se lever, d'aller vers le haut, vous passez à la phase suivante où le pied avance. Chacune de ces phases va générer des ressentis différents dans le corps. Elle va activer des éléments différents dans le corps. Et donc, il faut apprendre à les reconnaître. Lorsque vous pratiquez 2 phases par pas, vous pouvez diviser votre heure de méditation en marche. Si, par exemple, si vous pratiquez 1 heure de marche, vous pouvez la diviser en 2 périodes de 30 minutes. Pendant la première période, vous pratiquez simplement 1 note par pas, et pendant la seconde période, vous pratiquez 2 notes par pas. Au début, cela suffit de connaître 1 ou 2 mouvements par pas. Donc quand vous allez rapidement, quand vous marchez rapidement, vous faites 1 note par pas, et quand vous marchez lentement, vous faites 2 notes par pas. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez le désir de vous asseoir. À ce moment-là, notez-le, désir de s'asseoir, désir de s'asseoir. Au moment où effectivement vous allez vous asseoir, essayez d'accorder une attention rapprochée au mouvement vers le bas. Essayez de ressentir la lourdeur du corps lorsqu'il s'abaisse. Lorsque vous vous asseyez, notez tous les mouvements que vous effectuez pour disposer vos jambes et vos bras avant d'être en posture assise. Et quand il n'y a plus de, quand ces mouvements ont cessé, observez le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si après quelque temps vous remarquez de la raideur ou de la chaleur, par exemple, notez ces éléments, raideur, chaleur, et ensuite revenez à l'observation de l'abdomen. Si à un moment donné vous remarquez le désir de vous coucher, par exemple si vous êtes assis sur votre lit et que vous avez le désir de vous coucher, notez ce désir, désir de se coucher, désir de se coucher. Et puis, notez attentivement tous les mouvements pour se coucher, les mouvements des jambes, les mouvements des bras, par exemple, lever le bras, prendre appui sur le coude, étendre les jambes, etc., etc. Chaque mouvement devrait être noté. Il est important de prendre note de cette façon-là. Quand on se couche, par exemple, parce que vous pouvez très bien, à ce moment-là précisément, acquérir une connaissance particulière, une connaissance spéciale. En fait, quand la concentration et la vision pénétrante sont forts, ce type de connaissance peut surgir à tout moment. Même, par exemple, lorsque vous effectuez un mouvement comme lever le bras ou étendre le bras. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au vénérable Ananda qui a atteint l'illumination à ce moment-là. Le vénérable Ananda était en train de s'efforcer d'atteindre la libération. Il consacrait tous ses efforts à atteindre la libération la veille du premier concile, après la mort du Bouddha. Et toute la nuit, il a pratiqué dans le but d'atteindre l'état d'arhat avant le début du concile. Il pratiquait ce qu'on appelle kaya gata sati, c'est-à-dire précisément l'attention à la marche, au pas. Et il notait avec à chaque événement, donc à chaque phase, il notait chaque fois l'élément mental, le désir de marcher et tous les mouvements physiques qui étaient impliqués. Donc à chaque petite phase. Alors qu'il avait ainsi pratiqué presque jusqu'au bout de la nuit, il n'était pas parvenu en fait à atteindre l'état d'arhat. Et il comprit à ce moment-là que son effort était excessif, qu'il avait un déséquilibre dans sa pratique, que l'effort était en excès. Et il décida de se coucher, d'aller pratiquer en posture couchée. Et alors qu'il était à côté de son lit et qu'il notait les mouvements, à ce moment précis, il atteint le stade d'arhat. Le vénérable Ananda n'était qu'un sotapanna, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans le courant, qui a atteint le premier stade d'illumination. Et d'un seul coup, il est passé à travers les trois stades d'illumination plus élevés, le stade de Sakatagami, celui qui ne revient qu'une seule fois, le stade d'Anagami, celui qui ne revient plus, et même le stade d'Arhat. Tout ça s'est passé en quelques instants seulement, en un seul instant seulement. Et donc, cela démontre qu'une telle réalisation peut survenir à tout moment et que ce type de réalisation ne doit pas nécessairement prendre longtemps. C'est la raison pour laquelle les méditants devraient toujours noter avec diligence. Ils ne devraient pas se dire « Oh, ici, c'est pas trop grave si j'oublie un peu d'être attentif, si je m'autorise un petit instant sans attention. » Non, ils devraient noter chaque mouvement sans exception, sans exception et sans se reposer. S'il n'y a plus de mouvement particulier à noter, vous pouvez revenir à l'observation de l'abdomen. Même lorsqu'il est tard, qu'il est temps lorsque la nuit est avancée, qu'il est temps d'aller dormir, un yogi ne devrait pas cesser de prendre note. Il devrait agir comme s'il n'allait pas dormir. Un méditant vraiment sérieux pratique de cette façon-là. Et en réalité, si son attention s'il est encore bien éveillé, si son attention est forte, il continue simplement à pratiquer. Si la fatigue est présente, si la somnolence est plus forte, alors il va s'endormir naturellement. Lorsque le méditant se sent fatigué ou somnolent, il devrait noter cet état. Par exemple, s'il sent que ses paupières deviennent lourdes, il note lourdeur. Si elles se ferment, il note se fermer. Si elles sont chargées, il note chargé. Si les yeux picotent, il note picoter. S'il note de cette façon-là, il est possible que la somnolence disparaisse. À ce moment-là, il note clarté. Et il reprend sa méditation, son observation de l'abdomen. Quel que soit notre degré de détermination, s'il y a une vraie fatigue, une vraie somnolence qui est là, naturellement, on va s'endormir. En fait, c'est très facile de s'endormir. Si le méditant se couche, et qu'il médite en posture couchée, il va sentir de la somnolence et il va rapidement tomber dans le sommeil. C'est pourquoi il est déconseillé aux débutants de méditer en posture couchée. Ils devraient pratiquer plutôt la marche ou l'assise. Toutefois, une fois que le soir est arrivé, là, il est bon de continuer à pratiquer en posture couchée. Et de cette façon, naturellement, le méditant va s'endormir. Le moment où le méditant est endormi, c'est le moment où le méditant se repose. Il ne doit plus noter. Mais le méditant qui est vraiment sérieux devrait limiter son temps de sommeil à 4 heures seulement. Si les débutants pensent que 4 heures, ce n'est pas assez pour la santé, ils peuvent prolonger ce temps de sommeil jusqu'à 5 ou 6 heures. Mais 6 heures, c'est vraiment suffisant. When one wakes up. Lorsque le méditant se réveille, immédiatement, il devrait reprendre sa prise de notes. Le méditant qui est vraiment sérieux devrait méditer sans interruption dès qu'il se réveille, dès qu'il se réveille le matin. Il faudrait, pour bien faire, prendre conscience de cet état de réveil, de cet état de éveillé, et le noter, éveillé, éveillé. Si le méditant n'en est pas encore capable, il devrait rapidement reprendre l'observation. Il devrait, enfin, au réveil, il devrait observer directement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Si quelqu'un a l'intention de se lever de son lit, il devrait noter intention de se lever, intention de se lever. Il devrait noter ensuite tous les mouvements qu'il effectue, comme par exemple bouger les bras, lever la tête, se lever, se lever. Et puis, lorsqu'il s'assied, il devrait noter s'asseoir. S'il effectue un quelconque mouvement pour arranger ses jambes ou ses bras, il devrait noter ses mouvements. Et dès le moment où il n'y a plus de mouvement à noter, il reprend l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. One should note when washing the face and when taking a shower or a bath, as the movements involved in these acts are rather quick. The yogi should note as many of them as possible. There are acts after bathing or washing the face, then there's the acts involved in putting on the clothes, making the bed, opening and closing the door. And all of these should also be noted as precisely as possible. Lorsque le yogi nettoie son visage ou bien prend une douche ou un bain, il devrait aussi être conscient de chaque mouvement impliqué. Peut-être les mouvements à ce moment-là sont assez rapides. Dans ce cas-là, il devrait en prendre conscience d'un maximum d'entre eux, autant que possible. Lorsqu'il met ses vêtements, lorsqu'il fait son lit, lorsqu'il ouvre ou ferme la porte, il devrait être conscient chaque fois, être attentif à ses mouvements et les noter. Lorsque le yogi mange au repas, il devrait aussi observer chaque mouvement. Lorsqu'il commence par regarder la table, il devrait noter regarder, regarder, voir, voir, tendre la main, rassembler la nourriture, arranger la nourriture, ensuite porter la nourriture à la bouche, pencher la tête, introduire la nourriture dans la bouche, relever la tête. Tous ces mouvements devraient être bien notés. This way of noting is in accordance with the Burmese way of taking. But when you use a fork and a spoon or chopsticks, you should note the movements appropriately. Donc ces instructions en fait s'appliquent bien au birman à la façon birmane de consommer son repas. Mais évidemment, lorsque vous utilisez une fourchette ou un couteau, vous devez noter conformément avec ça. Après avoir mis la nourriture dans la bouche, vous pouvez noter mâcher, mâcher. Et puis lorsque vous prenez conscience d'un goût, vous notez goûter, goûter ou connaître, connaître. Lorsque vous vous réjouissez, lorsque vous vous délectez de la nourriture, vous notez se délecter. Lorsque vous avalez la nourriture, lorsqu'elle passe à travers la gorge, tout ça, vous devriez l'observer, en être conscient. Donc ceci s'applique à la nourriture solide. Lorsque vous, pour à chaque bouchée de nourriture solide, lorsque vous prenez de la soupe, vous observez aussi les mouvements, donc tendre la main, prendre la cuillère, amener la cuillère à la bouche, prendre la soupe, amener la cuillère à la bouche, etc. Mais tout ça, c'est assez difficile, en fait, parce qu'il y a énormément de choses à noter, beaucoup de mouvements à noter. Et un débutant va probablement manquer beaucoup de ces mouvements. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le débutant ait la réponse. Donc j'ai mentionné beaucoup de choses à savoir pour les méditants, mais en réalité, les méditants doivent seulement se souvenir de quelque chose, de peu de choses. Ils doivent se souvenir que lorsqu'ils marchent rapidement, ils doivent faire une note par pas, pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Lorsqu'ils marchent rapidement et lorsqu'ils marchent lentement, ils doivent faire deux notes par pas, lever, baisser, lever, baisser. Lorsque les méditants sont en posture assise ou couchée, qu'ils sont calmes, ils notent simplement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Si, alors qu'ils sont en train de noter, l'esprit se met à vagabonder, ils doivent en prendre conscience, noter vagabondage ou pensée, et puis, une fois que la pensée s'est interrompue, revenir à l'objet primaire. Si ils ont des raideurs, des douleurs, des démangeaisons, etc., pendant qu'ils pratiquent, là aussi, ils doivent en prendre conscience, noter ces douleurs, démangeaisons, raideurs, etc. Et une fois qu'elles passent, revenir à l'observation de l'abdomen. Si ils replient ou s'ils étendent des membres, les bras ou les jambes, ou s'ils baissent la tête ou lèvent la tête, ou encore si leur corps penche, ou au contraire s'ils redressent leur corps, ils doivent aussi noter ces mouvements, et puis ils reprennent l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Alors, si vous poursuivez votre prise de note de cette façon-là, vous allez être en mesure de noter de plus en plus de choses. Au début, vous pourriez manquer beaucoup d'objets, mais vous ne devriez pas vous décourager pour autant. C'est tout à fait normal de manquer beaucoup d'objets au début de la méditation. Finalement, en pratiquant, en poursuivant votre effort, vous allez y parvenir. Vous allez parvenir à noter de plus en plus d'objets. En fait, l'esprit va être comme collé à l'objet. L'attention sera presque simultanée avec les phénomènes qui se produisent. Par exemple, lorsque vous noterez le soulèvement de l'abaissement, cette prise de note va se produire presque simultanément avec le mouvement lui-même. L'objet physique et l'attention qu'on porte à cet objet physique sont, en fait, en dehors de ces deux choses-là, il n'y a pas de personne. Il n'y a personne en dehors de ces deux éléments-là. Donc l'acte physique ou le phénomène physique et l'acte mental de noter. Ces deux choses se produisent en paire, elles arrivent en même temps. Et il n'y a personne derrière. Seulement l'acte physique et l'acte mental. Et le yogi va faire personnellement l'expérience de cela. Pendant que le yogi note le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, il va en venir à distinguer la partie physique et la partie mentale. Donc la partie physique, c'est l'abdomen qui se soulève, et la partie mentale, c'est l'esprit qui note ce mouvement. Le yogi va se rendre compte que ces deux choses, physique et mentale, se produisent simultanément, qu'elles arrivent sous la forme d'une paire. Avec chaque acte de prise de notes, le yogi va distinguer les qualités mentales et les qualités physiques. Il va acquérir la connaissance analytique de l'esprit et de la matière. Nama Rupa Paricheda Jnana. Et cette connaissance analytique de l'esprit et de la matière représente le début des connaissances vipassana. Il est important d'acquérir une connaissance correcte de cela. Alors que le méditant continue sa pratique, il va acquérir la connaissance suivante, qui est celle de la distinction de la conditionnalité, de la réalité conditionnée, le discernement de la réalité conditionnée. Paccaya Parigaha Jnana. Ensuite, il poursuit sa pratique et il réalise que ce qui apparaît disparaît après un bref laps de temps. La plupart des gens pensent que l'esprit et la matière persistent à travers toute la vie, que c'est le même esprit et la même matière qui existent depuis l'instant de leur naissance jusqu'à leur mort. En réalité, il n'en est rien. En réalité, il n'y a aucun phénomène qui perdure à jamais. En fait, tous les phénomènes disparaissent très rapidement. Ils ne durent pas même le temps du clignement d'un œil. Et lorsque le méditant fait personnellement cette expérience, il devient absolument convaincu de la vérité de l'impermanence, de anicca. C'est ce qu'on appelle anicca nupassana jnana. Ensuite, après cette prise de conscience de l'impermanence, le yogi va connaître aussi la réalité de dukkha, de la souffrance, de dukkha nupassana jnana. Il va réaliser que tous ces phénomènes qui changent de façon incessante sont souffrance. En même temps, il va expérimenter beaucoup de difficultés dans le corps, et ça aussi c'est l'agrégat de la souffrance. Ça appartient aussi à la connaissance de dukkha nupassana jnana. Ensuite, le yogi va prendre conscience que tous ces phénomènes se produisent selon leur propre dynamique, qu'il n'y a pas d'ego ou d'entité derrière qui contrôlerait ces phénomènes, ce processus. Ça, c'est anatta nupassana jnana. Donc ces trois termes qu'on vient de citer en pali signifient la connaissance de la contemplation de l'impermanence, la connaissance de la contemplation de la souffrance et la connaissance de la contemplation du non-soi. Lorsque les yogis continuent de méditer, ils vont réaliser donc que tous les phénomènes sont anicca, dukkha, anatta, impermanents, souffrance et non-soi. Et à ce moment-là, ils vont en fait réaliser Nibbana. Tous les Bouddhas ou les êtres illuminés du passé ont atteint Nibbana en pratiquant de cette façon. Les yogis devraient prendre conscience qu'eux aussi sont désormais sur ce chemin de Satipatthana, qu'ils sont sur le chemin qui, à terme, les mène à la réalisation de Magga, Pala et Nibbana. Magga, le chemin, Pala, le fruit, Nibbana, la libération. Et cette réalisation va avoir lieu conformément au mûrissement de leur parami. Donc les yogis devraient se réjouir de pouvoir expérimenter cette noble concentration et ces états supramondains qui ont déjà été réalisés par les êtres nobles, les arhats et les bouddhas. Cela ne prendra pas beaucoup de temps avant que eux-mêmes n'en fassent l'expérience. Ce but suprême peut être atteint dans un délai de 20 ou 30 jours même. Et pour certaines personnes dont les paramis sont très développés, ça peut même survenir dans un délai de 7 jours. Et donc les méditants devraient être contents en ayant cette foi qu'ils peuvent eux aussi atteindre l'illumination, qu'ils peuvent atteindre la libération et se libérer de la croyance fausse dans la personnalité et en même temps donc se libérer d'une renaissance dans des états de misère. May you all be able to practice meditation well and quickly attain that Nibbana which the Buddhas, Arahants, and Aryas have experienced. We say sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.